إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, dans son commentaire Al-Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on a parlé au dernier cours, c'était le cours 64, aujourd'hui c'est le cours 65. Le cours 64, on a parlé de la dureté du cœur et du fait qu'on ne doit pas imiter ou ressembler aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens qui ont le cœur dur, qui ont eu le cœur dur. Et on a mentionné des exemples de ça, puis on a parlé aussi des versets dans Sourate Al-Ma'ida, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les juifs et les chrétiens. Et dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné certaines caractéristiques dans le but de nous mettre en garde contre ces caractéristiques-là pour pas qu'on soit semblable à ceux-là. Donc maintenant, on continue avec qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné comme exemple et on va expliquer aujourd'hui un hadith ou deux à ce sujet. Donc c'est des hadiths rapportés par l'imam. Le premier c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Et Cheikh al-Islam, il mentionne que c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, mais c'est une erreur. Le hadith est en réalité rapporté par l'imam Muslim. Il dit فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة وأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل وتأويل كتاب الله. أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. Donc il dit ici, le Cheikh, Cheikh al-Islam, il cite ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Et ça fait partie des hadiths qu'il a mentionné lui seul, uniquement. Et c'est le hadith 1050 dans Sahih Muslim. Alhamdulillah. يهديكم الله ويصلح بالكم. Il dit, روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود. Donc il dit, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, mais comme j'ai dit, c'est par Muslim. Selon Abu al-Aswad, il dit, Abu Musa a envoyé c'est-à-dire il a fait demander qu'on lui envoie des gens qui ont mémorisé le Coran ou qui ont récité le Coran. Alors il y a 300 hommes qui ont récité le Coran qui sont venus. Et il leur a dit, vous êtes les meilleurs parmi les habitants de Al-Basra et vous êtes les savants parmi eux. C'est-à-dire ceux qui ont étudié le Coran, qui l'ont récité. Alors récitez-le et que le temps ne devienne pas long pour vous, ou ne vous devienne pas trop long, au point que vos cœurs s'endurcissent, comme le cœur de ceux qui étaient avant vous se sont endurcis, comme les cœurs de ceux qui étaient avant vous se sont endurcis. Et il dit, nous récitions une sourate auparavant, et elle ressemblait en longueur et en dureté à la sourate Bara'a, c'est-à-dire sourate Tawba, le 9e chapitre ou la 9e sourate dans le Coran. Sauf que je l'ai oublié maintenant, on me l'a fait oublier, mais je me souviens de cette sourate, une partie qui disait, si le fils d'Adam avait deux valets de richesse ou d'argent, il souhaiterait ou il chercherait à en obtenir un troisième. Et rien ne remplira le ventre du fils d'Adam excepté la terre ou la poussière. Hein? C'est-à-dire dans sa tombe, lorsqu'il meurt. Il dit, et nous récitions une sourate qui ressemblait à une des musabbihat. Parmi les sourates du Coran, il y a des sourates qui commencent par, on les appelle al-musabbihat. Pourquoi? Parce qu'elles commencent par exemple, yusabbihullah, ou sabbahalillah. Donc parfois on les appelle al-musabbihat. Par exemple, sourate as-saf fait partie de ces sourates. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الجمعة. Donc il dit, elle était en longueur comme celle-là, سورة التغابن aussi. Donc dans ces sourates, elle était à peu près, elle ressemblait à ces sourates-là, et il dit, je l'avais mémorisée mais je l'ai oublié maintenant. Sauf que j'ai mémorisé de cette sourate une partie qui disait, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et on a écrit pour vous un témoignage sur vos coups. Alors vous allez être questionné à ce sujet-là au jour de la résurrection. Et Abu Musa a averti les récitateurs du Coran, c'est-à-dire ceux qui étudiaient l'islam et le Coran, de ne pas prendre le temps trop long, de ne pas trouver le temps trop long pour que leur cœur s'endurcisse. Après, il dit, et lorsque il y a eu la brèche, ou bien on a brisé l'engagement ou l'entente, Donc le fait de briser l'engagement et l'entente, ça, parmi les choses qui ont rapport avec le fait qu'on a brisé l'engagement et l'entente, il y a ce qui est relié à l'ordre et à l'interdiction, et également ce qui est relié à déformer la parole de son contexte, et également de changer ou de faussement, d'interpréter faussement le livre d'Allah, comme cela a été mentionné par Ibn Mas'ud et d'autres choses qui sont semblables à ça aussi. Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Il dit قوله بعث الله أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين، وله فضائل عظيمة لا سيما أنه من أهل القرآن، وقد كان حسن الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، وكان يأمره عمر أن يقرأ القرآن فيستمع هو والصحابة رضي الله عنهم أجمعين لتلاوته، وكان أبو موسى رضي الله عنه أميرا على البصرة في خلافة عمر، ومن مسؤولية الأمير أن يتفقد أهل البلد ويتفقد العلماء وطلبة العلم والقضاة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من صميم عمله. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Abu Musa al-Ash'ari, lorsqu'il dit qu'il a fait venir ou il a demandé que vienne vers qu'il a fait venir vers lui ceux qui ont récité le Coran, il y a 300 hommes parmi les habitants de Basra qui sont venus et qui avaient récité le Coran. Abu Musa al-Ash'ari, c'est qui? C'est un noble parmi les nobles sahaba, un parmi les premiers à avoir accepté l'islam, et il fait partie des muhajirin. Il a de grands mérites dans l'islam, et en particulier qu'il faisait partie des gens du Coran, c'est-à-dire qui ont récité le Coran, et il avait une très belle voix. Hein? Parfois, même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demandait de lui réciter le Coran. Il disait, ya Abu Musa, récite le Coran pour moi, hein? Parce qu'il avait une belle voix. Et parfois aussi Omar radiallahu anhu, il lui disait de réciter le Coran aussi, et il s'assoyait pour écouter sa récitation avec les autres sahaba. Donc Omar radiallahu anhu ainsi que les sahaba, ils s'assoyaient pour écouter la récitation de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhum. Donc subhanallah, ils aimaient sa récitation. Et Abu Musa, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il était un des responsables sur, que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait placé dans la ville de Basra. Donc c'est comme si c'était lui le maire de la ville de Basra. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab lui a donné cette responsabilité. Alors en tant que responsable, en tant que maire de la ville, donc il avait, étant donné qu'il était un dirigeant, parmi les responsabilités du dirigeant, c'est qu'il doit se renseigner de l'état des habitants, de l'état des ulama, de l'état des étudiants en sciences islamiques, de l'état des juges, de l'état de ceux qui travaillent dans l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, pour leur donner des conseils, pour voir que tout est correct, que tout va bien avec eux, qu'ils n'ont pas de questions ou de besoins ou des choses de ce genre, puis leur faire des rappels et ainsi de suite. Donc il dit le cheikh, فجمع القراء مرة والمراد بالقراء هنا في ذلك الوقت أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء والقرون المفضلة العلماء فهم بالإضافة لحفظ القرآن فقهاء ثم إنه حذرهم أن يسلكوا مسلك اليهود أو النصارى مع القرآن بأن يحصل منهم إعراض أو جدال أو خوض في القرآن لأن هذا يسبب قسوة القلوب وهذا الذي حصل لبني إسرائيل مع كتبهم حيث كانت فيها النصيحة والموعظة، ومع ذلك تركوها، والقراء هم العلماء، يجب أن يكونوا أفضل الناس لا سيما إذا عملوا بعلمهم واتقوا ربهم وراقبوه، فإذا لم يفعلوا ولم يعملوا بعلمهم فالله شبههم بالحمير، حيث قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب، فشبهه بالكلب. فالعالم إما أن يكون من أرفع الناس منزلة، وإما أن يكون من أسفل الناس منزلة. وقد جاء في الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وقد جاء في هذا الحديث أيضا أن من الذين يسبحون يوم يسبحون يوم القيامة إلى جهنم يسحبون، أي نعم يسحبون يوم القيامة إلى جهنم، عالم لم يعمل أو لا يعمل بعلمه. قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن. Donc on va traduire cette partie. نعم. Donc le cheikh explique que une fois Abu Musa al-Ash'ari, il a réuni les récitateurs. Il a réuni les récitateurs. Et qu'est-ce qu'on veut dire par... Parce qu'on dit récitateur, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le hadith, on mentionne Al-Qurra. Al-Qurra, c'est le pluriel de Qari, qui veut dire celui qui récite. Mais le Cheikh explique qu'à l'époque des Sahaba, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Khulafa al-Rashidin et des meilleures générations, quand on utilisait le terme Qurra, c'était pour dire les ulama. C'était pour désigner les savants. Donc, en plus d'avoir mémorisé le Coran, ils sont des fuqaha, c'est-à-dire ils comprennent la religion, ils ont une science, ils ont une base de la religion, ils comprennent la religion. Et donc, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, les a avertis, les a réunis pour les avertir de ne pas prendre les voies ou de ne pas emprunter les chemins ou les voies des juifs et des chrétiens avec le Coran, comme cela est arrivé de leur part. Lorsque yani, ils se sont détournés ou ils ont commencé à disputer et à argumenter à propos du Coran ou à yani, rentrer dans des disputes et des discussions à propos du Coran sans science, eh bien ça a été une des causes de la dureté de leur cœur. C'est comme ça que leur cœur est devenu dur. Et ce qui s'est produit pour les fils d'Israël, c'est ça qui est arrivé avec eux par rapport à leurs livres. Et donc, c'est comme si Abu Musa, radiallahu anhu, il leur donnait une nasiha et une exhortation. Et il leur faisait réfléchir sur le fait qu'ils ne doivent pas, ils ne doivent pas imiter les juifs et les chrétiens dans ces choses-là. Et donc, dans les livres des juifs et des chrétiens, il y avait des conseils, il y avait des exhortations, mais les juifs et les chrétiens les ont abandonnés. Ils ont abandonné leurs livres. Et, yani, les ulama, on désigne par le terme qurra, les récitateurs, ce sont en réalité les ulama, et ils doivent être les meilleures personnes. C'est eux qui doivent être les meilleurs parmi les hommes. C'est comme en voulant dire que, étant donné qu'ils ont de la science, ils devraient être les meilleurs musulmans. En particulier, si yani, ils appliquent leur science et qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont conscients que Allah subhanahu wa ta'ala les surveille et les regarde. Tandis que s'ils n'appliquent pas la science qu'ils possèdent, Hein? Ils possèdent de la science, mais ils ne la mettent pas en application, ils ne la pratiquent pas, cette science. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés comme étant des gens qui ressemblent à des ânes, hein? Allah musta'an, à des mules. C'est comme s'ils étaient des ânes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là dans le Coran, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Donc il dit l'exemple de ceux à qui on avait donné la charge de porter la Torah. Hein, la Torah, c'est le livre que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé à Moussa alayhi salam. Puis qu'ils ne l'ont pas porté, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas appliqué, ils ne l'ont pas enseigné comme il faut. Allah subhanahu wa ta'ala dit كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ils sont comme des ânes. Ils sont comme des ânes qui portent des livres. Naam. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. C'est le verset 5 dans sourate Al-Jumu'ah. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte les livres. Donc ils ont de la science, mais ils n'en profitent pas pour eux-mêmes et ils en font pas profiter aux autres non plus. Donc c'est comme ça les ânes qui portent des livres. Un âne, il peut porter beaucoup de science sur son dos, hein, tu mets des livres de science sur son dos, mais il peut pas lire lui-même et il peut pas l'enseigner aux autres. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Puis il mentionne également un autre exemple dans sourate Al-A'raf, comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux qui ont de la science mais qui se détournent de cette science. Il dit dans le verset 167 فخلف من بعدهم. Non, c'est pas ce verset là, c'est le verset 176 ou bien 175-176 dans sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et récite-leur, watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina, et récite-leur ou raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné des signes, c'est-à-dire il lui a donné de la science, il lui a donné des miracles, toutes sortes de choses pour être sur le droit chemin. Hein, nous lui avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques. Hein? Il allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. C'est-à-dire, peu importe la situation, il reste dans le même état. Hein? Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Donc c'est pour dire que Allah les a comparés à des chiens. Hein? Il dit فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Il dit son exemple, c'est comme l'exemple du chien. Donc il a été décrit comme le chien, celui qui s'est détourné des signes alors qu'il avait la science. Donc le cheikh explique que le savant, il est soit le plus élevé des hommes en degré, ou bien il est le plus rabaissé des hommes en degré, s'il se détourne des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'applique pas sa science. Et dans le hadith, c'est mentionné que ce livre, c'est-à-dire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala élève par celui-ci des hommes et il en rabaisse d'autres. Par ce livre, par le Coran, Allah va élever des hommes et il va en rabaisser d'autres. Hein? Donc celui qui s'accroche et qui tient ce livre et qui l'applique, Allah va l'élever, celui qui se détourne, Allah subhanahu wa ta'ala va le rabaisser. Et il dit wa qad ja'a fil hadith aydan, dans le hadith, il y a un autre hadith qui mentionne également que parmi ceux qu'on va jeter en enfer au jour de la résurrection, il y a un savant qui n'avait pas appliqué sa science. Hein? Donc ça c'est des menaces sérieuses et graves pour le fait d'avoir de la science mais de ne pas mettre en application. Et le cheikh il dit qu'il y a également un poème qui dit, ou un vers qui dit, un savant qui n'applique pas sa science est châtié avant l'adorateur des idoles. Est châtié avant l'adorateur des idoles. Naam. Après le cheikh il dit wa qawluhu fa hadhara Abu Musa al-Qurra an أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم يعني كل من تأخر كلما تأخر الزمان فإنه يفشو الجهل ويفشو الإعراض والانشغال بالدنيا فالواجب على المسلم أن يكون دائما مرتبطا بكتاب الله عز وجل لأن القرآن به الحياة بل هو حبل الله المتين الذي من تمسك به عصم فيتخذ القرآن إماما دائما ويتلوه ويعمل به ويتدبره حتى يرتبط به. Donc le cheikh il dit que quand Abu Musa il dit il a mis en garde contre les savants de ne pas trouver le temps long pour que leur cœur ne s'endurcisse pas. Hein, des fois, c'est ça que un exemple comme ça, tu trouves des gens, par exemple, qui ont découvert la sunna, qui ont découvert la salafia, la compréhension de l'islam, et ils sont restés sur la voie de la sunna pendant longtemps. Puis, à force d'être longtemps sur cette voie, ils commencent à trouver le temps long. Hein, puis ils commencent à avoir le cœur dur. Et puis tu les vois après de nombreuses années, et puis maintenant ils sont différents, ils sont plus les mêmes. Hein, c'est pas comme quand ils ont découvert la vérité au début. Hein, tu les voyais toujours motivés et ils aimaient la vérité, ils aimaient faire en sorte que cette vérité se propage, ils faisaient des efforts, ils appliquaient la religion. Puis après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sur la salafia, et après tu les vois commencer à devenir comme un peu rouillés, hein, un peu ils trouvent le temps long maintenant. Donc c'est ça qui est arrivé aux gens qui nous ont précédés, et leurs cœurs deviennent durs comme ça. Hein? Donc il faut toujours essayer de rester frais, rester toujours accroché à la vérité et à l'appliquer, et toujours rafraîchir sa foi et rafraîchir son islam pour s'accrocher toujours à la vérité. Parce que le cheikh il explique, il dit que plus que le temps passe, eh bien l'ignorance se propage plus, le fait de se détourner de la vérité se propage, le fait qu'on est distrait par la dunya, hein, ça devient encore plus répandu. Et donc c'est obligatoire pour le musulman qu'il reste toujours accroché au livre d'Allah, toujours accroché au Coran, parce que c'est dans le Coran qu'il y a la vie, la vraie vie, la vie du cœur. Et donc le Coran c'est le câble d'Allah, le câble ferme et solide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque s'accroche à ce câble, il est préservé, hein, et donc il le prendra comme un guide, et il va toujours le réciter, et il va toujours l'appliquer, et il va réfléchir sur sa signification pour être capable de toujours rester accroché à ce livre. Ça c'est un des moyens pour toujours rester avec la foi vivante, la foi fraîche, pour pas que le cœur devienne dur. Et c'est de réciter le Coran et de réfléchir sur ses significations tout le temps. Après le cheikh il dit wa fil hadith tahdhir min hajr al Quran bi hayth la yatluhu wa la yastami'u lahu fa yani yuhram min al khayr alladhi fihi. Ça c'est grave aussi. Le cheikh il dit également, il y a dans dans ce hadith l'avertissement contre le fait de délaisser le Coran. De délaisser le Coran, c'est-à-dire tu le récites jamais et tu l'écoutes jamais. Donc quand tu deviens comme ça, eh bien tu es privé de tout le bien qui est dans le Coran. Parce que tu ne l'écoutes pas et tu ne le lis pas. Et combien de musulmans aujourd'hui sont dans cet état-là? Hein? Allah marahim Allah. Donc, tu vois, le Coran, il est là, mais c'est comme si il est là juste pour décorer les étagères. Hein? On ne le lit pas, on ne l'écoute pas, et on ne l'applique pas. Hein? Allah musta'an. Donc, ça, c'est une des choses qui fait que le cœur devient dur. Le cheikh il dit: وقوله ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم. المقصود بالميثاق الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فدل على أن الله أخذ العهد منهم على أنفسهم. وقد اختلف العلماء هل هذا بمعنى أن الله استخرجهم من صلب آدم وأخذ عليهم العهد وهم في عالم الذر كما جاء به الحديث وهو معنى ما في هذه الآية فيكون مفسرا لها أو أن المراد بالآية ما أقامه الله من الآيات الكونية من سماوات وأرض وبحار وأشجار فهذا بمثابة أخذ العهد عليهم أن يتدبروا هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة الله سبحانه وتعالى لا ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. فالمقصود أن الميثاق قد يكون عهدا بين العبد وربه مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهذا عهد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. وقد يكون العهد هو الأوامر والنواهي فالله عهد إلينا بأوامر أمرنا بها ونواهي نهانا عنها يجب أن نتجنبها. فهذا عهد من الله إلينا أن نفعل الواجبات وأن نترك المحرمات. Donc le cheikh il explique ici que ensuite il y a parmi les exemples de ça, de qu'est-ce qui fait que les gens trouvent le temps long puis qu'ils commencent à avoir le cœur dur, le fait qu'ils brisent leur entente avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris envers lui. Le cheikh il explique de quel engagement on parle dans ce verset, de quel pacte ou de quel engagement on parle, de mithaq. Quel mithaq? Le cheikh il mentionne que c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a pris, l'engagement que Allah a pris envers les fils d'Adam, c'est-à-dire envers l'humanité. Et il mentionne le verset 172 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam. Quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection: vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement: nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et ainsi de suite. Donc, ça c'est يعني l'engagement dont il est question. Le cheikh il dit ça c'est la preuve que Allah a fait les hommes prendre cet engagement sur eux-mêmes. Et les ulama ont divergé à propos de la signification du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset qu'il a tiré des reins d'Adam sa descendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, est-ce que ça veut dire qu'il les a fait sortir alors qu'ils sont dans ses reins, dans le sens avant qu'ils soient créés, c'est-à-dire comme par exemple quand ils étaient des spermatozoïdes ou quelque chose comme ça, hein? Et il dit, comme c'est mentionné dans le hadith, il y a un hadith dans ce sens-là, que Allah a fait tirer des reins de Adam, hein, toute sa descendance, et qui sont apparus comme des lumières, hein, comme des petites lumières, hein, et certaines lumières plus brillantes ou plus grosses que d'autres, hein, et il les a fait témoigner que qu'ils reconnaissaient leur Seigneur et qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont témoigné de ça, ils ont pris l'engagement avec Allah à ce sujet. Donc est-ce que c'est ça la signification? Parce que certains ulama considèrent que ça, ce hadith explique le verset en question. Tandis que ou bien que le verset signifie plutôt ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme signe dans la création. Les cieux, la terre, les océans, les arbres, et que tout ça sont comme un genre d'engagement que Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur les hommes pour qu'ils réfléchissent sur ces signes, pour qu'ils les utilisent comme preuve de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que probablement c'est ça la position qui est la plus correcte, inshallah. Après il dit qu'est-ce qu'on veut dire donc par l'engagement et le pacte. C'est l'engagement entre le serviteur et son seigneur, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Barakallahu fik. Donc le cheikh il explique, il dit c'est ça l'engagement entre l'homme et son Seigneur, que on ne doit adorer que lui et qu'on ne doit chercher de l'aide que de lui ou chercher l'aide que en lui. Et donc ça c'est l'engagement en question, et c'est de respecter les ordres et les interdictions parce que Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement sur nous que nous allions respecter ces ordres et que nous allions les mettre en application et que nous allions nous écarter de tout ce qu'il nous a interdit de faire. Et donc c'est ça l'engagement que Allah a pris avec nous, de faire ce qui est obligatoire et de nous écarter des interdictions. Donc ça c'est l'explication du hadith en question. Après, il cite un autre hadith qui est dans ce sens-là aussi. Il dit وَرَوَى الْأَعْمَشِ عَنْ عِمَارَ ابْنُ عُمَيْرَ وَعَمِيرَ ابْنُ عُمَيْرَ نعم عَنْ الرَّبِيعِ ابْنُ أَبِي عُمَيْلَ الْفِزَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل نعم اعرض هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فأعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعوكم فلن يخالفوكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأوأم إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله وكان له أصحاب يخشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله إن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. نعم. Bon, on va essayer de traduire cette histoire. Qu'est-ce qui est mentionné ici? C'est un hadith. Il est rapporté, en fait, il est cité par Ibn Kathir dans son tafsir, dans l'explication dans Suratul Hadid. Donc il dit, c'est rapporté selon Al-A'mash ibn Imara ibn Umayr, selon Rabi ibn Abi Umayl al-Fizari, il dit que Abdullah nous a mentionné un hadith. Il dit, c'est un hadith qui était beau. On n'a pas entendu, il dit, je n'ai pas entendu plus beau que celui-ci, excepté le livre d'Allah ou une narration du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que les fils d'Israël, lorsque le temps est devenu long pour eux, leurs cœurs sont devenus durs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inventés un livre pour eux-mêmes. Et leur cœur, ce livre a pris le dessus sur leur cœur, et leur âme a rendu ce livre-là licite pour eux. Et la vérité empêchait beaucoup de gens de suivre leurs désirs et leurs passions. C'était comme une barrière entre eux et leurs désirs. Alors, ils ont rejeté la vérité, ils ont rejeté le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Alors, ils ont dit, présentez ce livre aux fils d'Israël. S'ils vous suivent, laissez-les. Et s'ils vous contredisent, alors combattez-les ou tuez-les. Puis ils ont dit, non, envoyez-le à un tel, un homme parmi les savants des fils d'Israël. Présentez-lui ce livre. Et s'il vous suit, il ne va pas vous contredire. C'est-à-dire, si lui, il vous suit, personne d'autre va vous contredire après lui. Et s'il vous contredit, tuez-le. Et personne, ne va contredire après lui, par la suite, si vous l'avez tué. Alors, ils ont envoyé quelqu'un vers ce savant parmi les fils d'Israël. Et ils ont écrit ça sur une feuille. c'est-à-dire lui le savant, pardon. Donc ils ont envoyé le livre vers ce savant, mais lui ce savant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le livre d'Allah sur une feuille, puis il l'a mis dans une comme dans une corne, hein? Il l'a mis dans une corne et l'a accroché à son cou. Il l'a mis en dessous de ses, dans ses vêtements. Alors, quand eux sont arrivés avec leur livre, ils lui ont dit, est-ce que tu crois en ça? Et lui, il a répondu en pointant vers son, vers sa poitrine, parce que là où il avait mis la corne avec le livre d'Allah, il a dit, je crois en ça. Il dit, pourquoi je ne croirais pas en ça? Alors, yani, ils l'ont laissé vivre. Hein? Ils l'ont laissé vivre, ils l'ont laissé partir. Et ce savant, il avait des compagnons, des gens qui le suivaient. Lorsque le savant est mort, ils ont trouvé cette corne, yani, dans laquelle il y avait le livre d'Allah dedans. Alors, ils ont dit, est-ce que vous voyez quand il a dit, je crois en cela, pourquoi je ne croirais pas en cela? Il parlait du livre d'Allah, et non pas de leur livre à eux. Alors, il dit, à cause de ça, les fils d'Israël se sont divisés en 70 et quelques sectes. Hein? Et la meilleure de ces sectes, c'était les compagnons de celui qui avait la corne. Alors, Abdullah a dit, et ceux qui vont demeurer ou qui vont continuer à vivre après vous vont voir beaucoup de mal, et c'est suffisant pour quelqu'un de voir du mal qu'il n'est, et de ne pas être capable de le changer, de savoir que il le déteste dans son cœur, ce mal. Il n'est pas capable de le changer, mais au moins dans son cœur il le déteste. Cheikh Al-Fawzan, il commente sur cette histoire. On va lire son explication, puis après ça, on va s'arrêter. Hein? Ça va être fini. Donc, juste l'explication de cette histoire, puis après, on s'arrête. Le cheikh, il dit, « Wa mafadu hadhihi al-qissa allati dhakaraha ibn Mas'ud radiyallahu anhu bayanu halu bani Israel wa tasarrufihim ma'a kutubihim » أو مع كتابهم، حيث أنهم لما ثقلت عليهم الأوامر والنواهي التي في التوراة فكروا في أن يخترعوا أو يخترعوا كتابا، أن يخترعوا كتابا يوافق شهواتهم ورغباتهم ليكون بديلا عن التوراة، ليجعلوا لفعلهم مستندا من موافقة العلماء من موافقة العلماء فيقولوا إن هذا هو رأي العلماء فعلقوا الأمر بعلمائهم فألفوا هذا الكتاب ولفقوه وأعرضوه على العلماء فيلصقوه بهم أمام الناس والعامة تبع للعلماء. Donc on va expliquer cette partie. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, qu'est-ce que ça explique cette histoire? Ça mentionne que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il veut nous expliquer l'état des fils d'Israël et comment ils se sont comportés avec leurs livres. Du fait que les fils d'Israël ont trouvé les ordres et les interdictions trop lourdes dans la Torah. Hein, c'était trop lourd pour eux. Alors ils ont pensé à inventer un nouveau livre qui serait en accord avec leurs passions et leurs désirs, pour que ce soit, disons, quelque chose qui remplace la Torah. Hein? Donc ils ont dit, la Torah c'est trop dur à suivre, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, on va s'écrire un autre livre, un nouveau livre, hein, qui est plus facile pour nous, qui est en accord avec nos désirs, hein, et qui va être, disons, une alternative à la Torah. Et ils allaient utiliser comme référence pour justifier cette alternative ou ce changement l'accord des ulama. Alors, ils sont allés, ils ont dit, ils allaient dire, ça c'est l'opinion de nos ulama. Donc, ils voulaient accrocher l'affaire à leurs savants, hein, pour justifier leur décision et leur position dans ce livre. Alors, ils ont écrit ce livre et yani, ils l'ont mis ensemble et ils l'ont présenté aux ulama pour dire aux gens voici l'opinion de nos savants. Parce que les gens du commun, ils suivent les savants. Si les savants disent oui, ça c'est bon, les gens vont les suivre. Hein? Allah musta'an. Donc, c'est ça le danger et la responsabilité des savants. La grandeur de la responsabilité des ulama. S'ils ne sont pas sincères, eh bien, ils vont égarer tout le monde. Mais s'ils sont sincères et qu'ils s'accrochent à la vérité, eh bien, les gens vont être bien guidés. Après le cheikh, il dit, ثم عدلوا عن ذلك خوفا أن لا يطاوعهم العلماء فركزوا على شخص معين وقالوا ادعوا فلانا فيستجيب فسيستجيب لكم فاختصروا الطريق ودعوا هذا العالم فالعالم أدرك خطتهم واحتاط لها فكتب التوراة وجعلها في قرن في داخل ثيابه يعني استصحبها ليتخلص بها لأنهم هددوه إن لم يوافقه بالقتل فإذا قتلوه فالبقية من بني إسرائيل سيحذرون ويجيبونهم إلى ما طلبوا خوفا من القتل ثم إنهم عرضوا عليه كتابهم الباطل وقالوا له أتؤمن بهذا فأشار إلى صدره الذي فيه التوراة وقال أؤمن بهذا وما لي لا أؤمن بهذا وهذا من التأويل النافع في مثل هذا الموقف فخلوا سبيله وهم يفرحون يظنون أنه وافقهم على هذا الكتاب ولقد استهجن بنو إسرائيل هذا العمل من هذا العالم فلما مات نسبوه نبشوا قبره فوجدوا القرن معه وفيه التوراة فعرفوا أنه خدع بني إسرائيل ولم يجبهم وعرفوا كذبهم وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بإبراء هذا العالم حيا وميتا. Donc il résume en fait qu'est-ce que l'histoire raconte par rapport au fait que يعني ils se sont concentrés sur un savant en particulier et ils l'ont appelé à accepter leur position à propos de leur livre. Et donc ils ont appelé ce savant, mais le savant en question, il a compris leur ruse et leur plan. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie de la Torah, ou bien la Torah, il l'a mis dans une corne et il l'a portée dans son cou, il l'a mis en dessous de ses vêtements. Donc il restait avec. Et il savait qu'eux l'avaient menacé, que s'ils n'étaient pas d'accord avec leur livre, qu'ils allaient le tuer. Hein? Donc si ils allaient le tuer, eh bien les gens allaient les suivre par la suite par crainte d'être tués eux aussi. Hein? Si ils ne acceptaient pas leur position. Alors ils sont venus et lui ont montré leur livre. Ils ont dit, est-ce que tu crois en ce livre? Et il a indiqué sa poitrine, là où il y avait la corne avec la Torah dedans, et il a dit, oui, je crois en ceci. Pourquoi je ne croirais pas en ceci? Et il dit, ça c'est une forme de c'est un comportement qui est bénéfique dans ce genre de situation-là. Et ils l'ont laissé partir. Et eux, ils se sont réjouis en pensant que ça y est, le savant est en accord avec notre livre. Et plus tard, les fils d'Adam, quand ils ont trouvé l'action de ce savant étrange, certains d'entre eux, ils sont allés déterrer sa tombe, ils ont trouvé cette corne avec lui, et dedans il y avait la Torah. Ils ont su qu'il avait trompé Ben Israël et qu'il n'avait pas accepté leur position à propos de leur livre, et ils ont su par la suite que les gens d'Israël, les fils d'Israël avaient menti. Et ça, ça fait partie de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers un savant, hein, pour montrer son innocence durant sa vie et après sa mort aussi. Donc, il a fait que la vérité apparaisse par la suite. Le Cheikh dit والحاصل بيان حيل وخدع بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم كما قال الله جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون فالتحريف حرفة اليهود والنصارى فلا يجوز لهذه الأمة أن تحذو حذوهم والقرآن ولله الحمد محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى أما الكتابان السابقان التوراة والإنجيل فقد استحفظوا عليهما فضيعوها ضيعوها ولكن القرآن تكلف الله بحفظه قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن حفظ الله له أنه يقيض من يقوم بالدفاع عنه وحمايته وقد يسر الله طرقا عديدة ومتجددة لحفظه إلى أن تقوم الساعة. Donc le cheikh il dit que, donc pour comprendre en résumé, c'était le but de cette histoire, c'est pour montrer les ruses des fils d'Israël et comment ils déforment leurs livres, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran à leur sujet que justement ils déforment le livre ou la parole de son contexte. Et dans le verset 75 dans Surat al-Baqarah, il dit aussi ils déforment le livre après l'avoir compris alors qu'ils savent. Donc le fait de falsifier ou de déformer la réalité du livre, ça fait partie des choses que les Juifs et les chrétiens sont spécialistes là-dedans. Ils sont spécialistes là-dedans. Et donc, pour nous les musulmans, ça c'est quelque chose d'interdit. Et on n'a pas le droit d'imiter les Juifs et les chrétiens dans ce genre de comportement, de falsifier la parole d'Allah et d'essayer de déformer le sens de la révélation du Coran et des hadiths pour le faire sortir de son contexte ou des choses de ce genre. Il dit que le Coran, par la grâce d'Allah, il est préservé et c'est Allah qui s'en charge. C'est Allah qui se charge de le garder, de le préserver. Tandis que les deux livres précédents, la Torah et l'Injil, eh bien ce sont des livres dont la préservation était de la responsabilité de leurs savants. Et ils n'ont pas pris cette responsabilité-là correctement. Donc ils ont gâché cette responsabilité qu'ils avaient. Tandis que le Coran, c'est Allah lui-même qui se charge de le préserver. Et il mentionne dans le verset 9, dans Surat al-Hijr, nous avons certes fait descendre le rappel, et c'est à nous de le préserver. C'est nous qui le préservons. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve le Coran et il fait en sorte qu'il y ait des hommes qui le défendent et qui le protègent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cela par différents moyens pour préserver le Coran, pour qu'il soit préservé jusqu'au jour de la résurrection. Il dit ensuite ومن الدروس المستفادة من هذه القصة أنه لا يجوز الاحتيال على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعله أهل الزيغ والبدع والضلالة من خلال التحريف وصرف الآيات عن ظاهرها لموافقة فكر أو مذهب أو التملص من الأدلة بتأويلات باطلة وآراء فاسدة وخلافات ضالة أو الاحتجاج بقول فلان فنحن لم نتعبد بأقوال العلماء وإنما نتعبد وإنما تعبدنا وتعبدنا بالكتاب والسنة، فما وافقهما من أقوال العلماء قابلناه، وما خالفهما رددناه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. Et naam. Donc on va traduire cette parole ici jusqu'à la parole de l'imam Shafi'i. Il dit que parmi les leçons qu'on peut tirer de cette histoire, il y a le fait qu'il n'est pas permis de faire des ruses par rapport au livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour se détourner de l'application de l'islam et de la religion de l'islam. Comme les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette histoire? Ils n'ont pas aimé qu'est-ce qui est dans leur livre, alors ils ont écrit un autre livre pour le remplacer, pour changer la religion. Donc ça, c'est pas permis dans l'islam. Et on n'a pas le droit d'écrire des livres pour rendre halal ce qui est haram, ou rendre haram ce qui est halal, ou changer la religion d'Allah. Mais il y a des gens, malheureusement, ils font ça. Et ça, c'est ce que font les gens de la déviation, de l'innovation et de l'égarement. Et ils disent que, à travers les différentes déformations et falsifications des versets, ils changent les versets de leur sens apparent pour que ce soit en accord avec la pensée d'un tel, ou la position d'un tel, ou les idées d'un tel, et ils vont prendre les preuves et commencer à les déformer par des opinions corrompues et des divergences égarées et des argumentations qui sont totalement fausses, pour que ce soit en accord avec la parole d'un tel ou la position d'un tel. Il dit: nous, on n'a pas été ordonné par Allah de l'adorer en suivant les paroles des ulama, mais plutôt on a été ordonné d'adorer Allah par le livre et la sunna. Si c'est en accord, si les paroles des ulama sont en accord avec le Coran et la sunna, on les accepte, mais si les paroles des ulama sont en contradiction avec le Coran et la sunna, on les rejette. Et l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il disait: si ma parole contredit la parole du messager d'Allah, prenez ma parole et jetez-la sur le mur. En voulant dire, ma parole, elle vaut rien à côté de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne d'autres paroles des ulama aussi là-dessus, mais je voudrais juste mentionner un point aussi avant de passer à ça, parce que j'ai déjà mentionné l'histoire dans plusieurs cours où on attribuait à l'imam al-Shafi'i que lors de la fitna de Khalq al-Qur'an, et dernièrement j'ai même entendu un cheikh qui mentionnait cette histoire, qu'il a mentionné, quand on lui a ordonné de dire que le Qur'an est créé, il a dit, il a pointé avec ses doigts, il a dit: la Torah, l'Injil, Al-Zabur et Al-Qur'an, il a dit, toutes celles-là sont créées. Celles-là sont créées, en pointant vers ses doigts, en voulant dire que il mentionne les noms des livres, mais il pointe chacun de ses doigts. Et quand il dit ils sont créés, en voulant dire ses doigts sont créés, pas les livres, mais il a fait ça comme ils disent, il a fait ça comme une ruse pour pas être tué ou pas être torturé ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé dans l'explication de la Aqidah des deux Razi, à la fin il y a des questions et réponses, et on a posé la question à Cheikh Ravi à propos de ça: est-ce que c'est vrai cette histoire qui est attribuée à l'imam al-Shafi'i? Il a dit: hal thabata an al-Shafi'i rahimahullah عندما سئل عن القرآن هل هو مخلوق أو لا أم لا أنه أشار إلى يديه إشارة إلى أن يديه مخلوقة؟ الجواب: هذا كذب على الشافعي. الشافعي كان يناظر على القرآن ويكفر من يقول بخلق القرآن، وناظر حفصا الفرد لما أصر على أن القرآن مخلوق قال: أنت كافر، كفرت بالله عز وجل. وقال حفصنا الفرد: لقد أشاط الشافعي بدمي. وهذا من الكذب والفتنة هذه ما أدركته. مات الشافعي رحمه الله سنة 204، والفتنة ما وجدت إلا سنة 218. فلا يجوز أن يصدق هذا الكلام المنسوب إلى هذا الإمام. نعم. donc Cheikh Rabi حفظه الله, on lui a posé la question donc à propos de cette histoire. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on a demandé à l'imam al-Shafi'i au sujet du Coran, est-ce qu'il est créé ou non, il a répondu en pointant vers sa main, en voulant dire que c'est sa main qui est créée et non le Coran, comme j'ai mentionné l'exemple tout à l'heure. Et Cheikh Rabi, il a répondu en disant ça c'est un mensonge contre l'imam al-Shafi'i, parce que au contraire l'imam al-Shafi'i il disait clairement hein, que le Coran c'est la parole d'Allah, et il débattait même contre les Jahmiyyah pour leur montrer que le Coran c'est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Et il déclarait kafir ceux qui disaient que le Coran est créé, et il a eu un débat avec Hafsan al-Fard lorsque il a persisté, Hafs a persisté à dire que le Coran est créé. Il a dit tu es kafir, tu as rejeté la foi en Allah. Alors Hafsan al-Fard a dit que l'imam al-Shafi'i avait, c'est comme s'il avait ordonné son qu'on fasse, qu'on le tue, qu'on l'exécute à cause de ça. Et il a dit donc que de dire que cette histoire que l'imam al-Shafi'i a dit que ses doigts sont créés, des choses comme ça, pour éviter de dire que le Coran est créé, wa alaykum salam wa rahmatullah, il a dit ça c'est un mensonge. Et il dit que la fitna au sujet de la création du Coran qui est apparue à l'époque de l'imam Ahmad, eh bien elle n'existait pas encore à l'époque de l'imam al-Shafi'i à ce moment-là, parce que l'imam al-Shafi'i est mort en 204 de la Hijra, et la fitna de Khalq al-Quran elle est commencée en 218. Donc c'est pas possible que ce soit une histoire qui est correcte ou vraie à propos de l'imam al-Shafi'i, puisqu'il est mort plusieurs années, plus qu'une dizaine d'années avant le début de la fitna. Donc il n'est pas permis de croire en cette histoire qui est attribuée à l'imam al-Shafi'i. Donc si j'ai déjà rapporté cette histoire, eh bien bon, c'est parce que j'ai été induit en erreur. Je l'ai entendu de la part de certains chouyours, mais peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, donc que c'était pas vrai. Aynam, Allahu ta'ala a'lam. Donc après, pour terminer, le cheikh il dit wa qala l'imam Ahmad ajibtu min qawmin arafu l'isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. ومن هو سفيان؟ سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه البارع رحمه الله. يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز الأخذ بقول العالم مهما بلغ من الفضل والعلم والتقى إلا إذا وافق الدليل وما خالف الدليل فإنه يرد. فإذا اختلف العلماء في مسألة فنحن نرد الخلاف إلى الكتاب والسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم المسائل يكون فيها خلاف والعلماء يختلفون, فيعني نأخذ برأي من علينا أن نأخذ بقول من معه الدليل وأن نترك قول من خالف الدليل, وهذا في جميع المسائل الخلافية. ثم المخالف للدليل إن كان مجتهدا يريد الحق ولم يصبه فهو معذور ومأجور ولكن لا يتابع على مخالفته. Donc le cheikh il termine cette explication là en disant que l'imam Ahmad a dit je m'étonne de des gens qui ont connu l'isnad du hadith et son authenticité et qui préfèrent malgré tout suivre l'opinion de Soufiane. Et c'est qui Soufiane? Soufiane, c'est l'imam parmi les, un des grands imams de l'islam, Soufyan al-Thawri, un grand savant dans le fiqh et dans la religion de l'islam. Donc les gens préfèrent son opinion que de suivre le hadith. Et il dit, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que celui qui contredise, que ceux qui contredisent son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui contredisent son commandement prennent garde qu'ils soient touchés par une épreuve ou qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux. Donc il n'est pas permis de prendre la position ou la parole d'un savant, peu importe son mérite, sa piété, sa science, excepté si cette parole de ce savant elle est en accord avec la preuve du Coran et de la Sunna. Si sa parole elle contredit le Coran et la Sunna, sa parole, sa position est rejetée. Et si il y a des savants qui divergent à propos d'un sujet, eh bien nous devons ramener cette position de divergence au livre d'Allah et à la Sunna. Et Allah il dit dans le Coran à ce sujet-là, comme c'est mentionné dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc les questions dans lesquelles il y a divergence entre les ulama et que les ulama ont divergé dedans, on prend l'opinion de qui? Le cheikh il dit, dans ce cas-là, on prend l'opinion de celui qui a avec lui la preuve. Et on laisse la parole de celui qui a contredit la preuve. Et il dit que dans toutes ces questions de divergence, c'est la même chose. On prend la preuve et c'est ça qui est important. Il dit que, mais s'il y a, parmi les gens qui ont contredit la preuve, il y en a un qui était un savant, qui a fait un effort de chercher la vérité, c'est un mujtahid, un vrai savant, qui a fait des efforts pour trouver la vérité. Lui, il sera récompensé pour son effort et il sera pardonné pour son erreur. Tandis que toi, si tu sais qu'il est dans l'erreur, tu n'as pas le droit de le suivre dans son erreur à lui, parce que si tu le suis dans son erreur alors que tu sais qu'il est dans l'erreur, lui, il sera excusé et pardonné et récompensé, mais pas toi. Parce que toi, tu sais qu'il est dans l'erreur, donc à ce moment-là, si tu le suis dans son erreur, tu seras dans le péché, parce que tu contredis la vérité sciemment et volontairement. Donc ça, c'est pas la même chose. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na barakallahu fikum.